يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer donc aujourd'hui notre cours numéro 41 dans le livre Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam écrit par Al-Hafiz Al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi qui est mort en l'an 600 de la Hijra rahimahullah. Et c'est le livre de l'explication de Umdatul Ahkam écrit par le Cheikh Abdullah Al-Bassam. Écrit par le Cheikh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Et son livre s'intitule Taysir Al-Allam, Sharh Umdatul Ahkam. Donc c'est un des sharh de Umdatul Ahkam qui est parmi les plus connus et les plus célèbres, les plus simples et les plus répandus également. Très bénéfique aussi. Et donc, comme vous l'avez sûrement remarqué, si vous avez écouté les cours depuis le début, soit sur le site ou bien par la radio ou autre, que le cheikh il a une méthodologie dans la façon dont il étudie le livre, c'est qu'il mentionne le hadith, après il mentionne la signification générale du hadith, après parfois, il va aussi expliquer des termes qui sont moins courants, hein, des termes qui sont moins courants. Et donc, il les explique. Et après, il explique, par exemple, les divergences qui existent entre les ulama. Et il explique aussi les règles qu'on peut tirer de ce hadith-là. Donc, en ce moment, on est dans un chapitre parmi les chapitres qui parle de la salat. Et le chapitre qu'on est en train d'expliquer en ce moment, c'est le chapitre qui clarifie la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a expliqué les règles et comment les sahabes ont décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on est arrivé au hadith 81. Dans ces hadiths-là. Et comme je l'ai déjà expliqué, parfois selon l'édition que vous utilisez, il peut y avoir parfois des divergences dans le numérotage des hadiths. Donc, par exemple, dans cette édition-là, c'est le hadith numéro 81, tandis que dans une autre édition, ce sera peut-être pas le hadith numéro 81. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Par exemple, le hadith qu'on étudie maintenant, c'est le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu. Bon, dans l'édition de Taysir al-Allam, c'est Dar ibn Hazm. Bon, eux, ici, ils mentionnent le hadith 81, tandis que dans d'autres éditions, j'ai l'édition de Dar al-Salam ici, en version de poche, et pour eux, c'est le hadith 88. Donc, on voit que parfois il peut y avoir différence entre d'une édition à l'autre. Non. Donc, c'est juste pour mentionner en passant. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. C'est un hadith muttafaq alayh. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumah, anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi. إذا افتتح الصلاة المنكبين يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. Donc on va traduire le hadith et après on va expliquer le sens général de ce hadith. C'est un hadith rapporté selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, le fils de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il débutait sa prière, lorsqu'il commençait sa prière, il levait ses mains à la hauteur de ses épaules, al-mankibayn, al-mankibayn. Donc كان يرفع يديه حذو المنكبين. حذو ça veut dire يعني à égalité avec les épaules, à la hauteur des épaules. إذا افتتح الصلاة. افتتح يعني ouvrir, commencer. Lorsqu'il était au début de la prière, il levait ses mains à la hauteur de ses épaules. Dans d'autres narrations, il mentionne à la hauteur de ses oreilles. Donc les deux sont rapportés. Et on va le voir de toute façon. Et donc, ça c'est quand il débute la salat, il lève ses mains à la hauteur de ses épaules. Et il le faisait également en faisant le takbir pour le rukou. Donc quand il fait le takbir pour descendre pour le rukou, il lève ses mains encore à la hauteur de ses épaules. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ quand il lève sa tête du rukou également, il lève ses mains encore une fois en faisant le takbir, ou bien plutôt en disant سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا. Donc il dit, il lève ses mains en se relevant du rukou, et il disait سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Et il ne faisait pas cela pendant le sujoud. Ne faisait pas cela pendant le sujoud, c'est-à-dire que dans le sujoud, il ne levait pas ses mains vers ses épaules. On va voir le sens général maintenant du hadith. Al-ma'na al-ijmali. As-salatu ma'dabatun karimatun jama'at kulla ma ladha wa tab. Fa kullu 'adwin fil badan lahu fiha 'adatun khassa. Wa min dhalika al-yadan. فلهما وظائف منها رفعهما عند تكبيرة الإحرام زينة للصلاة وإشارة إلى الدخول على الله ورفع حجاب الغفلة بين يدي بين المصلي وبين ربه ويكون رفعهما إلى مقابل منكبيه ورفعهما أيضا للركوع في جميع الركعات وإذا رفع رأسه من الركوع في كل ركعة وفي هذا الحديث التسريح من الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك في السجود لا يفعل ذلك في السجود. Donc pour traduire ça, le cheikh il explique le sens général de ce hadith. Il dit que la salat, c'est quelque chose qu'on fait qui est noble, et qui réunit tout ce qui est bon et tout ce qui est disons tout ce qui est savoureux et tout ce qui est bon. Et il y a dans la salat quelque chose à faire par chaque membre du corps. Chaque membre du corps a une pratique particulière à faire pendant la salat. Et par exemple, en particulier les deux mains, elles ont une tâche, et c'est de les relever lors du premier takbir. Et ça, c'est un embellissement pour la salat, et c'est un signe qui indique qu'on rentre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre salat. Et certains ulama, comme le cheikh, il mentionne, lui, on enlève le voile de l'insouciance. Lorsque il dit, c'est pour enlever le voile de l'insouciance entre la personne qui prie et son Seigneur, comme si pour dire qu'on rentre dans la salat, on sort de l'insouciance et on devient concentré dans notre prière, on est conscient qu'on se tient devant Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois aussi, j'ai entendu un parmi les ulama, un parmi les mashaykhs, il expliquait que c'est comme par exemple pour dire je me soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est comme si lorsque quelqu'un par exemple il lève ses mains en voulant dire je suis à la merci d'Allah subhanahu wa ta'ala, je me soumets complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'était une explication qu'il avait mentionnée. Et il dit, il y a dans le fait on les relève jusqu'à nos épaules. Et on les relève également en se relevant du rukou. Donc on le fait dans la première rak'a, dans le premier takbir, on lève les mains à la hauteur des épaules. Et on les relève aussi en se relevant du rukou. Et on le fait dans chaque rak'at également à ce moment-là, pour faire le recours et en se relevant du recours. Et il y a le cheikh dit qu'il y a une mention spécifique dans cette narration de la part du narrateur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne le faisait pas pour le sujoud. Il ne levait pas ses mains pour le sujoud. Le cheikh il dit ensuite ikhtilaf al-ulama, les divergences entre les ulama. Donc le cheikh maintenant il mentionne parfois des questions sur lesquelles, des hadiths sur lesquels il y a des divergences dans la compréhension des hadiths. Des fois les ulama ils ont compris les hadiths de façon différente et ils les ont donc appliqués de façon différente parfois. Et aussi c'est parce que parfois il y a d'autres narrations qui viennent rajouter des détails à certaines choses, à certaines façons de faire les choses, qui viennent faire en sorte que ça vient rajouter des détails ou clarifier les choses. Donc le cheikh il parle de ces divergences là. Il dit ajma' al-ulama 'ala mashru'iyyati raf' al-yadayn fi takbirat al-ihram li tawatur al-ahadith fi dhalik. Donc là il mentionne un ijma'. Quand il dit ajma', ça veut dire tous les ulama sont d'accord là-dessus. D'accord? Donc ça c'est une chose, tu peux dire qu'il y a une ijma dans le sens que tous les ulama sont d'accord sur le fait qu'il est obligatoire de lever les mains lors du premier takbir lorsque tu entres dans la salat. Tous les ulama sont d'accord là-dessus. La raison pour laquelle ils sont tous d'accord, c'est que le hadith à ce sujet, les hadiths qui ont été rapportés à ce sujet-là sont très nombreux. Hein? Mutawatir. Et il dit وحيث روي عن 50 صحابيا ومنهم العشرة المبشرون بالجنة. Donc il a cette pratique de lever les mains pour takbiratul ihram a été rapportée et elle a été rapportée par 50 parmi les sahaba. 50 parmi les sahaba. Parmi eux les 10 مبشرين بالجنة. Les 10 qui ont été à qui on a annoncé qu'ils seront au paradis. Donc ils ont rapporté ce hadith-là. اختلف العلماء في رفع اليدين عند غيرهما. Donc on a vu que les ulama sont tous d'accord sur le fait qu'il est obligatoire et légiféré de lever les mains lors du premier takbir qu'on appelle takbiratul ihram. Et donc il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant il y a des divergences entre les ulama sur le fait de lever les deux mains dans le reste de la prière, dans les autres mouvements ou dans les autres positions. فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد إلى استحباب ذلك في الثلاثة المواضع المذكورة في هذا الحديث. Donc le cheikh explique que la majorité des sahaba et des tabi'in et ceux qui sont venus après eux et parmi eux les deux imams Al-Shafi'i et Ahmad, ils ont l'opinion qu'il est recommandé de lever les mains dans trois positions ou dans les trois moments qui sont mentionnés dans ce hadith. Que c'est recommandé de lever les mains dans les trois positions qui sont mentionnées dans ce hadith. Après le cheikh il dit قال ابن المديني هذا الحديث حجة على الخلق ومن سمعه فعليه أن يعمل به. ابن المديني un des imams parmi les imams des salafs de l'époque de l'imam Ahmad, un des ulama qui vivaient à l'époque de l'imam Ahmad, un des grands ulama al-hadith parmi les salafs. Il dit, ce hadith est une preuve pour l'humanité, hein, pour la création. Celui qui l'a entendu doit le mettre en application. D'accord ? Il dit, « وقال ابن القيم روى الرفع عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسا واتفق على روايتها العشرة. » Donc l'imam Ibn al-Qayyim, il dit, ce hadith-là a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a levé les mains dans ces trois positions-là de la prière. Il y en a 30 personnes qui l'ont rapporté, ce hadith, et ils sont tous d'accord sur cette narration-là. Même les 10 qui ont été promis au paradis, annoncés comme étant au paradis, ils ont été d'accord là-dessus. Parmi les 30, il y en a 10 qui font partie des Ashra al-Mubashirin bil-Jannah. وقال الحاكم لا نعلم سنة لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء الأربعة ثم العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة غير هذه السنة. سبحان الله. Donc الحاكم, un des imams parmi les ulama de hadith, qui a écrit al-Mustadrak على الصحيحين, un des recueils de hadith qu'on appelle al-Mustadrak, écrit par Al-Hakim, un des ulama de hadith, des salafs, il dit, on ne connaît pas une sunna sur lesquelles parmi les rapporteurs, on calcule les 4 khulafa al-Rashidin et les 10 Mubashirin bil-Jannah, et ainsi que d'autres également parmi les grands d'entre les sahaba qui ont été tous d'accord pour la rapporter. On ne connaît pas une autre sunna qui a été rapportée autant que celle-là, par autant de grands sahaba que celle-ci. Donc c'est un hadith, il y en a très important. Il dit, وفي رواية عن الإمام أحمد اختارها المجد وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق والفروع واختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي ورواية للإمام الشافعي وطائفة من أصحابه وجماعة من أهل الحديث أن رفع اليدين يستحب في موضع رابع وهو إذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين لما روى البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ولما في حديث أبي حميد عند أبي داود والترمذي وصححه ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حذو يحاذي بهما منكبيه. Donc il dit, il y a une narration également apportée par l'imam Ahmed et elle a été également choisie par Al-Majd. Hein? Al-Majd ibn Taymiyyah. Al-Majd ibn Taymiyyah. Wa hafiduhu Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Al-Majd, c'est le grand-père de Ibn Taymiyyah. Al-Majd, c'est le grand-père de Ibn Taymiyyah. C'est lui qui a écrit Muntaqa al-Akhbar. Muntaqa al-Akhbar, c'est un recueil de hadith sur le fiqh. Ok? Et c'est le livre qui est à la base du livre qu'on appelle Nailul Autar, écrit par l'imam al-Shawkani. C'est un gros livre qui explique les hadiths sur les règles de la religion, un peu comme Umdatul Ahkam, mais plus volumineux, avec plus de hadiths. Et donc, écrit par le grand-père de Ibn Taymiyyah qui s'appelle Al-Majd. Hein, et son petit-fils, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, l'a également mentionné, l'a également choisi. Et les deux auteurs de livres des fuqaha, parmi les gens qui ont écrit des livres de fiqh qui sont des grands ulama parmi les Hanabila, celui qui a écrit Al-Fa'iq, qui a écrit Al-Furu', hein, c'est deux parmi les ulama qui ont écrit des livres dans le fiqh al-Hanbali, et c'est également le choix de notre Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, parce que Cheikh al-Bassam, Abdullah al-Bassam, il est l'élève, il est un des élèves de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, avec le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, d'accord? Donc il est un de ses élèves aussi. Et il dit wa riwayatun lil imam al-Shafi'i, c'est également une narration rapportée par l'imam al-Shafi'i, et un nombre d'entre les compagnons de l'imam al-Shafi'i l'ont rapporté aussi, et un groupe également parmi les ulama ahlul hadith. Ils ont rapporté que on doit, et il est recommandé de lever les mains dans un moment, une quatrième position, ou quatrième endroit dans la salat aussi, et c'est lorsque on se relève du premier tashahhud dans une prière qui a deux tashahhud. Lorsqu'il y a une prière qui a deux tashahhud, quand tu te relèves du premier tashahhud, tu lèves les mains jusqu'à tes épaules, hein, comme on l'a fait au début. Et c'est basé sur le hadith rapporté selon Ibn Omar par Al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Donc quand il se lève du tashahhud, il lève ses mains vers les épaules en se relevant du premier tashahhud. Et il dit, c'est également mentionné dans le hadith de Abi Humaid, rapporté par Abu Daoud et rapporté également par At-Tirmidhi, et il l'a authentifié. ثم إذا قام, il dit, lorsqu'il se levait, hein, après avoir complété rak'atayn, il se relève, hein, en mettant ses mains, en levant ses mains à la hauteur de ses épaules. Donc ça c'est le quatrième endroit dans la prière où il est recommandé de lever les mains. Et le cheikh il dit وذهب مالك في أشهر الروايات عنه وأبو حنيفة إلى أنه لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام وحجتهم حديث البراء بن عازب عند أبي داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم يعد أي ثم لم يعد وقد اتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرجة من يزيد بن أبي زياد أحد رواة الحديث واحتج أيضا بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة حسنه الترمذي وصححه ابن حزم ولكنه لم يثبت عند ابن مبارك وعده ابن أبي حاتم خطأ وصرح أبو داود بأنه ليس بصحيح بهذا اللفظ. Donc l'imam Malik, dans une des narrations les plus connues, hein, qu'il a rapporté, qui a été rapporté de lui, de même que Abu Hanifa, hein, on dit qu'il n'est pas recommandé de lever les deux mains dans la prière, excepté pour le premier takbir. Et leur argument à ce sujet-là, c'est basé sur le hadith de Al-Bara ibn Azib, qui est rapporté par Abu Daoud, qui dit, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui débutait sa prière en levant ses deux mains, puis il ne le refaisait pas. C'est-à-dire, il ne relevait pas ses deux mains par la suite. Il dit que tous les rapporteurs de hadith, parmi les mémorisateurs de hadith, parmi les ulama de hadith, ils ont tous été d'accord sur le fait que la parole de Al-Bara ibn Azib lorsqu'il a dit ثم لم يعد, puis il ne l'a pas refait, hein, et bien ça c'est une parole qui est mudraja, hein, c'est-à-dire que cette parole-là c'est une parole de soit que c'est la parole de Yazid ibn Abi Ziyad qui est un des rapporteurs de hadith et non pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme si à un moment donné ils ont confondu la parole du narrateur avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ثم لم يعد, c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole de Yazid ibn Abi Ziyad, un des rapporteurs du hadith. Et donc ça c'est une des explications qu'ils ont donné pour répondre, les ulama, pour répondre à ce hadith là. En même temps aussi ils ont dit que ils se sont également basés sur un autre hadith qui est rapporté selon Ibn Mas'ud, rapporté par Ahmad et Abu Dawud et Tirmidhi, hein, dans laquelle dans ce hadith là il dit je vais prier pour vous la prière que le, yani je vais prier, je vais vous donner un exemple de la prière que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire, et il n'a pas levé ses mains dans la prière excepté une seule fois, c'est-à-dire au début. Et ça, ce hadith a été déclaré hasan par At-Tirmidhi et déclaré sahih par Ibn Hazm. Sauf que Ibn al-Mubarak, un des grands imams des salaf dans le hadith, Amir al-Mu'minin fil hadith, il a dit que ce hadith n'est pas authentique. Et Ibn Abi Hatim, il a considéré ce hadith-là comme erroné. Hein? Et Abu Daoud également l'a même dit explicitement que ce hadith-là n'est pas authentique dans cette expression-là ou dans cette version-là. Donc, pour résumer, le cheikh il dit فَتَلَخَّصَ مِنْ هَذَا إِسْتِحْبَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَ وَهِيَ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ عند الركوع وبعد الرفع منه وبعد القيام من التشهد الأول. Ça c'est en résumé. On peut dire que il est recommandé de lever les mains dans quatre endroits dans la prière. La première, c'est lors du takbiratul ihram, le premier takbir. Le deuxième, lorsqu'on se relève du ruku, lorsqu'on se penche pour faire le ruku. Ça c'est le deuxième, lorsqu'on fait le recours. Et le troisième, lorsqu'on se relève du recours. Et le quatrième, lorsqu'on se relève après le premier tashahhud. Ça c'est les quatre positions ou les quatre endroits de la prière dans lesquels il est recommandé de lever les mains. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Le cheikh il dit ma yuqadu min al hadith. Awalan استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بإجماع العلماء وعند الركوع وبعد الرفع منه عند الجمهور. Donc le premier point qu'on peut tirer de ce hadith, que c'est recommandé de lever les deux mains lors du premier takbir, takbiratul ihram, selon le consensus de tous les ulama, et de les lever lors du ruku' et en se relevant du recours selon le jumhur, selon la majorité des ulama. Donc il y a une différence entre l'expression des ulama quand ils disent ijma' et lorsqu'ils disent jumhur. C'est pas la même signification. Ijma' ça veut dire tous les ulama sans exception, où il n'y a pas de divergence du tout. C'est le consensus. Al jumhur par contre, ça veut dire la majorité. Ça veut pas dire tous les ulama, ça veut dire la grande majorité. Non. Le deuxième point, an yakuna ar-raf'u ila muqabil al-mankibayn, ila muqabil al-mankibayn. Deuxième point qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que lorsqu'on relève les mains, on les relève à la hauteur des épaules. Hein? Ça c'est ce qui est rapporté dans le hadith. Le point numéro 3, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam لم يفعل الرفع في السجود, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas levé les mains lors du sujoud, hein, comme c'est mentionné dans le hadith. Et le point numéro 4, حكم الله في ذلك كثيرة, حكم الله في ذلك كثيرة وأجمع العلماء على أنه عادة لليدين أو أنه عبادة لليدين وتلمسوا حكما أخرى أو حكما أخرى وتلمسوا حكما أخرى فمنهم من قال زينة للصلاة ومنهم من قال رفع لحجاب الغفلة بين العبد وربه وقالوا بتحريك القلب بحركة الجوارح وقال الشافعي رحمه الله تعظيم الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا منافاة بين هذه الأقوال وغيرها فلله في شرائعه حكم وأسرار كثيرة والخضوع والطاعة لله من أجل الحكم والأسرار. Donc le cheikh il dit comme le quatrième point, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que il y a de nombreuses sagesses dans ce qu'on fait, dans les gestes de l'adoration quand on fait la salat par exemple, ou dans d'autres adorations aussi. Et parfois les ulama ils essaient de chercher certaines sagesses qui pourraient être reliées à certaines adorations. Donc c'est un genre d'ijtihad de leur part, c'est-à-dire un genre d'effort de leur part pour essayer de trouver des explications ou des raisons pour lesquelles on fait certaines choses pendant l'adoration. Et parmi donc ces exemples-là, il y a le fait de lever les mains dans la salat, c'est une adoration, c'est une ibadah. Et donc ils ont essayé de trouver d'autres sagesses qui est reliée au fait de lever les mains. Et parmi eux, certains ont dit, comme on a dit au début, que c'est un embellissement de la salat. D'autres ont dit que c'est pour relever le voile de l'insouciance entre le serviteur et son seigneur. D'autres ont dit que c'est pour montrer ou expliquer le mouvement du cœur par le mouvement du corps, par les gestes du corps. Et l'imam Ash-Shafi'i il a dit c'est pour montrer le respect envers Allah et poursuivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit il n'y a pas de contradiction entre toutes ces différentes explications là et d'autres également. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a dans ses rites et dans les adorations qu'il nous a ordonné de faire de grandes sagesses et de nombreux secrets. Et bien entendu, le plus important ou la plus importante de toutes ces sagesses et de tous ces secrets, c'est bien entendu la soumission et yani, l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la plus importante. Et comme je vous ai mentionné aussi l'explication que j'ai entendue parmi les mashayikh, il disait c'est comme lorsque tu lèves tes mains quand quelqu'un, tu vois, il se rend à quelqu'un, il lève ses mains pour se soumettre. Hein? Eh bien, ça, c'est comme un signe de soumission. Lorsque tu commences ta prière, tu lèves tes mains pour dire, j'entre dans la prière. Hein? J'entre dans un état de soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est une autre explication. On va s'arrêter avec ce hadith pour aujourd'hui. Puis on expliquera inshallah la suite inshallah au prochain cours. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Je dirais que le haut-parleur il a un petit